claque encore. L'écho des pas s'éteint dans le noir. Les murs ont tout entendu. Mais eux ne diront rien. Riders Kill marche entre les restes, cartouches vides. Coffre ouvert et cette odeur de métal mêlé à la peur. Ils pointent du doigt, enferment, on trie, on sécurise tout ce qui n'est pas nous. Le devient, c'est la règle. Les caméras éteintes, le loot plié. Ce qu'il approche apprennent à reculer. Nettoyage terminé, mais ce n'est que le début. Car dans ce monde, la seule vraie force, c'est celle qu'on applique encore, encore et encore. Il reste